tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. La France, un pays vieux ? Pas en 1967, loin de là. En 1967, le pays est jeune, rajeuni. Et les jeunes Français, à l'imitation de leurs aînés, veulent consommer. Après tout, avant de critiquer cette société de consommation, il faut bien l'expérimenter à tout crin. D'autant que les jeunes représentent un marché conséquent. Ah, la tirelire des enfants français, 50 à 60 milliards d'anciens francs, paraît-il. Et le pouvoir d'achat des adolescents, Gilbert Gantier, dans Heures de culture française, s'intéressait à l'avènement des jeunes consommateurs. De même qu'Henri Poumerol, dans son magazine des éducateurs et des enseignants, voulait organiser un dialogue avec la jeunesse. Conseils municipaux de jeunes, mouvements divers, relations avec l'armée française également. Et enfin, Francis Crémieux et Jean Debert, pour Le Monde contemporain, avaient invité de jeunes militants, gauche et droite réunis comme il se doit. En une heure, vous aurez tout appris sur les jeunes Français qui, un an plus tard, allaient devenir, pour certains, pour quelques semaines ou pour quelques décennies, des 68ards. Avènement des jeunes consommateurs. Monsieur Gilbert Gantier poursuit son enquête sur l'avènement des jeunes consommateurs. Aujourd'hui, vous pourrez entendre une conversation avec monsieur Maurice de Porret à propos du marché de consommation des jeunes. Ainsi que nous l'avons observé en abordant notre enquête sur les jeunes consommateurs, il serait tout à fait inexact de croire que si l'on se préoccupe tant aujourd'hui des jeunes en général et des jeunes consommateurs en particulier, c'est parce que la France est devenue un pays jeune. En fait, il convient à cet égard de distinguer l'évolution de la population française sur la courte période qui nous sépare du dernier avant-guerre et son évolution sur une période infiniment plus longue, par exemple sur un siècle ou même sur plusieurs siècles de notre histoire. Par rapport aux 30 années qui viennent de s'écouler, notre pays a incontestablement rajeuni. Alors que la natalité française n'était même pas en mesure, entre les deux dernières guerres mondiales, d'assurer le renouvellement naturel de la population, alors que les démographes et les sociologues de cette époque peu lointaine pouvaient prévoir pour la fin du XXe siècle une France de 30 ou même de 25 millions d'habitants, un renversement de tendance s'est incontestablement produit à partir des années 40. La reprise de la natalité apparaissant en pleine guerre, en pleine occupation même, et ne se confirmant nettement par la suite. C'est largement en raison de cette heureuse évolution, et aussi, il faut le reconnaître, partiellement par le maintien de divers courants d'émigration, que la France est devenue un pays de 50 millions d'habitants et que la population française doit normalement continuer à croître. À ce point de vue, par conséquent, et par rapport à la période récente de l'avant-guerre, il y a donc bien rajeunissement de la population française, et la pyramide des âges, qui représente schématiquement la population française, en est la démonstration. Sa base s'est beaucoup élargie depuis une vingtaine d'années, ce qui implique que la population jeune est proportionnellement plus abondante aujourd'hui qu'avant-guerre. Mais ce phénomène ne suffirait pas à lui seul à expliquer et à justifier l'apparition de plus en plus nette d'une classe de jeunes consommateurs dotés d'un pouvoir d'achat important est susceptible d'influer sur le niveau général des affaires et par conséquent sur l'activité économique. Il y a 50 ans, en effet, la proportion des jeunes par rapport à la population totale était aussi importante qu'aujourd'hui. Et plus nous remontons dans le temps, plus l'effectif des moins de 20 ans apparaît comme prédominant par rapport à l'ensemble de la population. C'est qu'en effet, au XVIIIe siècle, par exemple, la durée de la vie humaine était en moyenne inférieure à 40 ans, et que, malgré l'importance du nombre des décès d'enfants de moins d'un an, la population jeune constituait la majorité de la population dans son ensemble. Et cependant, cette population jeune n'avait pas beaucoup d'importance politique ou économique, parce qu'elle ne constituait pas un groupe social à part, et aussi parce qu'elle ne possédait que fort peu de richesses économiques, celles-ci se trouvant, dans leur immense majorité, détenues par des gens âgés. Les choses ont aujourd'hui bien changé. Nous l'avons vu récemment, parce que les jeunes disposent de moyens d'information et de liaisons qui leur sont propres, et aussi parce qu'ils ont considérablement bénéficié de l'expansion économique et des progrès de la technologie. Rien n'est plus naturel à l'être humain que de se sacrifier pour ses enfants et de faire pour eux tout ce qui est en son pouvoir. Mais encore faut-il disposer pour soi-même d'un minimum de confort et de bien-être. Pendant des siècles, dans les classes sociales les moins favorisées, les enfants ont vécu près des adultes et, très largement, comme des adultes, se nourrissant comme eux, sauf dans la très petite enfance, s'habillant comme eux et s'échappant, dès qu'ils en avaient la force, vers un monde d'adultes, non pas sans doute parce qu'ils le souhaitaient, mais parce qu'ils n'avaient guère d'autre issue. Fort peu de jeunes bénéficiaient jadis, au sein de leur famille, d'un pouvoir d'achat suffisant pour pouvoir jouir de ce luxe très nécessaire, le superflu. Les progrès économiques ont considérablement modifié cet état de choses en permettant à des familles, désormais relativement bien pourvues de l'indispensable, de consacrer une part croissante de leurs revenus à un relatif superflu et d'en faire largement bénéficier leurs enfants. Parallèlement, les progrès de la production ont permis de produire en très grande série de très nombreux objets que les jeunes apprécient et qu'ils ont envie d'acquérir, motocyclettes ou scooters, tourne-disques, vêtements, matériel de camping ou de sport, etc. Ainsi, bien qu'ils soient moins nombreux assurément qu'il y a 100 ans, et bien qu'ils ne disposent guère par eux-mêmes de revenus supérieurs à ceux de leurs devanciers, les jeunes d'aujourd'hui sont devenus les animateurs d'un très important marché de consommation que se disputent âprement les firmes qui s'y intéressent. De plus, les jeunes, par leur présence en tant que consommateurs et par l'effet indirect de la publicité à laquelle ils se trouvent soumis, disposent d'un pouvoir incontestable sur les goûts et sur les aspirations des moins jeunes, qui veulent eux aussi, bien souvent, vivre plus ou moins à l'image de leurs cadets. Enfin, même lorsqu'il s'agit de choisir un objet qui dépasse le cadre matériel à l'intérieur duquel vit le jeune consommateur, ce dernier ne manque pas bien souvent d'influencer le choix de ses parents et de constituer ainsi pour les firmes en concurrence sur le marché un terrain sensible qu'il convient d'utiliser au maximum. Nous ne faisons d'ailleurs dans ce domaine que suivre les exemples qui nous sont largement venus d'outre-Atlantique. Aux États-Unis, en effet, le phénomène « jeune consommateur » est très important et il existe une infinité d'entreprises spécialisées dans l'étude des besoins et des possibilités des jeunes consommateurs. Un publicitaire français, récemment revenu des États-Unis, rapportait par exemple qu'en moyenne sur 100 teenagers, c'est-à-dire sur 100 jeunes américains de moins de 20 ans, 17 sont propriétaires d'un récepteur de télévision, 18 d'un magnétophone, 21 d'un moteur pour leur bateau, 68 d'un appareil photographique. Les garçons de moins de 20 ans représentent aux États-Unis 12% seulement de la population masculine et achètent à eux seuls 40% de la production de vêtements de sport. Quant aux jeunes filles de 13 à 19 ans, elles consomment à elles seules plus du tiers de la production nationale de produits de beauté. Et nous ne parlerons que pour mémoire, bien sûr, du nombre d'automobiles, voire même, dans des cas il est vrai encore rare, d'avions particuliers que possèdent en propre des teenagers américains. En France, nous n'en sommes pas encore là, mais dès à présent, les firmes les plus importantes et les plus sérieuses consacrent des budgets publicitaires non négligeables à l'étude et à l'exploitation du marché des jeunes consommateurs. Nous allons dans un instant faire appel sur ce point aux connaissances d'un spécialiste, mais auparavant, il est peut-être utile de fournir quelques chiffres et quelques données statistiques sur ce que l'on est convenu d'appeler les jeunes. D'après les chiffres de l'INSEE, on dénombrait l'année dernière en France environ 16,5 millions de jeunes, filles et garçons, de moins de 20 ans, les garçons étant très légèrement plus nombreux que les filles. Ces dernières se marient beaucoup plus tôt que les garçons, puisqu'un tiers ont déjà trouvé l'âme sœur à 20 ans, et que certaines d'entre elles sont même alors déjà veuves ou divorcées. Au même âge, c'est-à-dire à 20 ans, le nombre des garçons ayant convolé en juste noce ne dépasse guère 6 ou 7% de l'effectif total. À 25 ans, Près des trois quarts des filles sont mariées, contre seulement la moitié environ des garçons. Un décalage dans le même sens doit être noté en ce qui concerne l'entrée dans la vie professionnelle. D'après une enquête effectuée assez récemment par l'Institut français d'opinion publique, 59% des jeunes Français ont commencé à travailler à 16 ans, mais, en général, les filles entrent au travail plus tard que les garçons. Des études extrêmement poussées sont aujourd'hui effectuées par de nombreuses entreprises spécialisées pour connaître la structure et l'évolution des classes jeunes qui constituent la masse des jeunes consommateurs. Nous avons fait appel aujourd'hui à l'un de ces spécialistes, M. Maurice Deporette, directeur de la société Unipro, pour dégager un certain nombre de principes sur l'évolution actuelle et l'étendue du marché des jeunes consommateurs. Monsieur Deporette, je voudrais vous demander quelles sont dans l'ensemble les activités de la société Unipro et comment vous avez été amené à vous occuper plus particulièrement des jeunes consommateurs. Unipro est une société de conseil en promotion des ventes, dont le rôle essentiel est de conseiller les industriels et les commerçants pour l'élaboration de leur politique commerciale et promotionnelle. Nos services sont assez divers. Nous avons par exemple un service manifestation où nous réalisons des quinzaines commerciales, des défilés de mode, des jeux de plage, des animations de ville. Nous préparons actuellement un village gaulois dans le cadre des prochaines Floralies internationales. Et nous nous sommes intéressés aux jeunes depuis l'origine de notre société, car depuis 10 ans, les jeunes sont devenus des clients sérieux pour les industriels et les commerçants. Ils constituent un élément très actif de l'économie française, mais nécessitent une approche particulière et la mise en œuvre de moyens appropriés. Est-ce que vous pourriez nous dire, puisque maintenant la France a rajeuni, disons depuis 20 ans, depuis 30 ans, et qu'un Français sur trois a moins de 20 ans, est-ce que vous pourriez nous dire en quoi ces jeunes de moins de 20 ans constitue un marché qui a ses lois particulières? Bien, voyez-vous, ce marché des jeunes se subdivise en plusieurs tranches, d'âge. Mais il existe des lois, il existe des constatations générales qui dominent l'ensemble de ce marché. Ces constatations sont de trois ordres. Constatations d'ordre technique. L'évolution des moyens et des procédés de fabrication aboutissent actuellement à une production de masse, à des produits nouveaux, à des moyens d'expression et de diffusion à l'échelle internationale, voire mondiale. Constatation d'ordre qualitatif. L'accroissement du niveau de vie a donné, en France comme ailleurs, aux jeunes une place plus importante. On s'aperçoit en effet que, dans les pays, à haut standing, à haut pouvoir d'achat, les jeunes prennent une place de plus en plus importante. Cette constatation d'ordre qualitatif est augmentée par une remarque quantitative. Cette place des jeunes est devenue d'autant plus importante qu'elle s'est accompagnée d'une poussée démographique en France. Comme vous le disiez tout à l'heure, un Français sur trois a moins de 20 ans, un Français sur quatre est actuellement scolarisé. Monsieur Deporette, vous nous avez dit qu'il existe un marché général des jeunes consommateurs, mais vous avez fait également allusion à différentes couches d'âge. Pouvez-vous maintenant nous expliquer comment se subdivise le marché des jeunes consommateurs et pour quelles raisons? L'articulation du marché des jeunes peut être considérée sur le plan économique, mais en fait, cette articulation sur le plan économique obéit également à différentes étapes correspondant au développement et à l'évolution psychologique et physiologique des jeunes. Nous pouvons dire qu'il y a pratiquement trois étapes. Les moins de 7 ans, qui représentent la petite enfance, les 7-12 ans, qui sont les enfants, les 13-17 ans, qui sont les adolescents. La première tranche correspond à environ 5 millions d'individus. La deuxième, les enfants, également à 5 millions d'individus. Les adolescents compte actuellement en France environ 4 millions d'individus. Reprenons, si vous le voulez bien, les différentes couches d'âge auxquelles vous avez fait allusion. Vous avez dit qu'il y a les moins de 7 ans. Comment les moins de 7 ans peuvent-ils être des consommateurs? Eh bien, les moins de 7 ans représentent un marché en pleine expansion, car c'est un marché récent où les produits nouveaux sont extrêmement nombreux. Articles de puériculture, mode enfantine, jouets du premier et du second âge, alimentation. Dans ce secteur en particulier, les produits spécifiques se sont développés en très grand nombre ces dernières années. Ameublement même, puisque des spécialistes pensent actuellement les chambres d'enfants et les chambres de jeunes enfants. Il s'agit là d'un secteur où les besoins nouveaux ont suscité le développement de fabrications adaptées. Cette première étape du marché des jeunes est moins originale que les suivantes. En effet, l'initiative des moins de 7 ans est assez limitée, et même si un enfant de 4 ou 5 ans qui connaît bien Nounours à la télévision et qui aperçoit chez l'épicier de sa maman une bonbonnière reprenant le célèbre animal, même si cette influence joue, elle est limitée et ce marché demeure sous l'emprise des adultes et plus particulièrement de la mère de famille. Il n'en va pas de même, je pense, avec la deuxième tranche, c'est-à-dire avec les aînés de 7 à 12 ans. C'est le moment où le jeune consommateur intervient de lui-même, je crois, et avec des fonds propres. C'est cela. L'activité économique de l'enfant de 7 à 12 ans est double, en effet. Il a d'abord un pouvoir d'achat propre, et ensuite, il agit sur les achats familiaux. Son pouvoir d'achat propre est évidemment limité, mais non négligeable. Si l'on réunissait toutes les tirelires des enfants français, ils auraient pu, il y a quelques années, s'offrir un paquebot France. Et depuis, ce pouvoir d'achat n'a fait qu'augmenter. Actuellement, on peut estimer que cette tirelire des enfants français dépasse 50 à 60 milliards d'anciens francs. Mais le rôle le plus original de l'enfant jouera en tant que prescripteur de produits et vulgarisateur à l'intérieur de sa famille. Tous les actes de l'enfant deviennent en effet des événements familiaux. Ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il désire constituent les éléments autour desquels se bâtit le rythme familial. L'enfant découpe des bons dans ses illustrés, écrit pour recevoir une documentation, collectionne les emballages, questionne son entourage familial pour répondre à un concours. Son activité est beaucoup plus importante que celle d'un adulte. Et les rendements des campagnes de publicité ou de promotion des ventes qui s'adressent à l'enfant obtiennent des résultats absolument stupéfiants. C'est pourquoi des fabricants ont engagé un dialogue avec les enfants. Car à l'heure actuelle, la qualité technique de produits concurrents est en fait assez proche. Et la publicité et la promotion des ventes doivent se faire souriantes. Un produit doit devenir sympathique aux familles. Les Américains appellent ça le goodwill d'un produit. Et ce dialogue avec les enfants est évidemment particulièrement riche et permet des développements sympathiques à l'ensemble de la famille. J'imagine que dès que l'on passe à la couche suivante, c'est-à-dire les adolescents de 13 à 17 ans, on a un marché qui a des lois assez différentes. Avec les adolescents, l'évolution s'accélère. Ce pouvoir d'achat naissant chez l'enfant va devenir important, parfois très important, avec les adolescents. Toutes les études qui ont été faites prouvent que, au cours des dernières années, ce pouvoir d'achat a augmenté très rapidement. De même, l'influence économique des adolescents se modifie. Les enfants avaient une influence à l'échelon de la cellule familiale. Les adolescents vont avoir une influence en tant que classe sociale. Non seulement ils ont un pouvoir d'achat plus important, mais ce sont des consommateurs leaders. Il y a un certain nombre d'années, les jeunes désiraient beaucoup devenir adultes pour avoir droit à un certain nombre de privilèges. Désormais, l'on peut dire que ce sont les adultes qui regrettent de ne plus être jeunes et les grands magasins le savent bien, qui ont créé pratiquement tous des rayons pour 20 ans ou pour moins de 20 ans, rayons qui sont fréquentés non seulement par des 20 ans et des moins de 20 ans, mais aussi probablement par des 30 ans, des 40 ans, ou même peut-être davantage. Eh bien, cette observation, monsieur de Porrette, m'amène à vous poser une question plus générale. Est-ce que vous croyez que ce marché des jeunes influencera au cours des années à venir le développement général de l'économie française ? J'en suis persuadé, car je pense que cette poussée démographique des jeunes qui joue non seulement sur le plan quantitatif, mais sur le plan qualitatif, oblige actuellement les fabricants à adapter leur fabrication, leurs produits, aux désirs des jeunes. De plus, dans toutes les entreprises, ces jeunes commencent à prendre des postes de commande et nous assistons à une métamorphose de l'ensemble de l'économie française qui de plus en plus fait appel à des jeunes et ces jeunes de plus en plus prennent les leviers de commande plus tôt. Je pense que ce marché des jeunes est le signe d'un rajeunissement de l'ensemble de l'économie française. Est-ce que nous pouvons dire à cet égard que nous bénéficions de l'expérience des Américains qui ont connu ce phénomène un peu plus tôt que nous ? Il est certain que dans de nombreux cas, la maturité des jeunes sur le plan économique s'est d'abord développée en Amérique avant de venir en France. Mais la poussée démographique accélère encore cette imitation de nos voisins outre-Atlantique. Vous venez d'entendre un dialogue entre M. Maurice de Porré et M. Gilbert Gantier sur le marché de consommation des jeunes, leurs lois et leurs juridictions nouvelles. Notre émission « Avènement des jeunes consommateurs » est terminée. Ainsi s'achève l'heure de culture française. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 février 1967, année où, sur sa motocyclette, on était peut-être allé acheter, pour son tourne-disque, le titre suivant. Il faut écouter la jeunesse. C'est un colonel qui le dit. Il faut encourager les mouvements de jeunesse. Les étudiants, les jeunes travailleurs disposent de trop peu de loisirs. La course aux examens, les transports. Attention, on peut craindre un jour un réveil pénible, une crise chez les étudiants. Ah tiens, magazine des éducateurs et des enseignants, le dialogue avec la jeunesse, première diffusion sur France Culture le 2 mars 1967. Éducateurs et enseignants, un magazine de l'actualité radiophonique. Au micro, Henri Pomerol. Dimanche prochain, 10% à peine des électeurs auront moins de 25 ans. Mais en 1972, lors des prochaines élections législatives, ils seront 41% et il y aura alors plus de 4,5 millions de nouveaux électeurs. C'est dire la place que la jeunesse va prendre dans la nation, la place qu'elle y tient déjà. Éducateurs et sociologues en sont de plus en plus conscients, pouvoirs publics aussi. Mais que peuvent les uns sans les autres? Et c'est bien l'une des questions clés de notre époque, de se demander comment ils pourraient mieux dialoguer, mieux coopérer au service des jeunes. La Fédération des travailleurs sociaux l'a si bien compris qu'elle conviait ces jours derniers plusieurs personnalités à exprimer leur point de vue sur ce sujet. Il y avait là le colonel Baudouin, secrétaire général de la commission Armée Jeunesse, Jean Jousselin, directeur du centre de recherche civique, auteur d'un tout récent et très remarquable ouvrage sur cette nouvelle jeunesse. Il y avait également le secrétaire général du Conseil français des mouvements de jeunesse, M. François Peyre. Pierre de Branche les a interrogés à l'issue de leur colloque. Il est prouvé que près de 90% des jeunes n'ont aucun contact avec les mouvements de jeunes. Il apparaît au premier abord que le dialogue s'établit non pas avec les jeunes, mais seulement avec une fraction de jeunes protégés ou influencés par de vieux jeunes. Premièrement, permettez-moi de vous interrompre et de vous faire remarquer que ce chiffre 90% n'ont aucun contact avec les mouvements de jeunesse est un chiffre qui est répété à peu de choses près très souvent, qui n'a jamais été scientifiquement prouvé et qui est fort loin de la vérité. L'armée reçoit 50%, mais moins de 50% de la population française, puisqu'elle ne reçoit que les garçons. Mais quand vous prenez le tour de la population française, eh bien, c'est plus de 50% des jeunes qui ont été dans un mouvement de jeunesse pendant 2 ans ou 3 ans de leur carrière. Ils ne sont pas tous en même temps, mais dans une génération donnée, c'est près de 60 à 70% des jeunes, garçons et filles, qui ont appartenu à un mouvement de jeunesse. C'est un premier point qui paraît très important. Je voudrais ajouter que pour l'administration, il est bien difficile de faire autrement, parce que les chiffres sont ce qu'ils sont et ils sont tous faux. Bon. Mais comment voulez-vous faire si ce n'est vous adresser à des gens qui sont plus ou moins organisés? Sinon, ce serait trop facile de prendre tel ou tel garçon dans la rue et telle fille et leur dire « vous allez être représentatif de l'ensemble ». Et à ce moment-là, on aurait une situation encore pire que la situation actuelle, qui est celle d'une représentation par ce qui existe. Les mouvements, dans leur histoire, dans leur situation actuelle, expriment une manière de sentir. Et ce qui est important, justement, c'est de voir qu'à partir du moment où vous voudrez le limiter, ou vous créerez de manière autoritaire des mouvements de jeunesse, et c'est une domestication de la jeunesse, ou vous empêcherez certaines expressions d'avoir. Il n'y a pas un moment où on peut arrêter la création des mouvements de jeunesse. Le mouvement de jeunesse, dans sa diversité, exprime toutes les formes par lesquelles les jeunes se retrouvent. S'il y avait des besoins communautaires existants, nouveaux, on verrait apparaître de nouveaux mouvements de jeunesse. Et il ne faut pas toucher à ce qui existe, il faut laisser la mort et l'épuisement faire son travail. Mais n'est-ce pas justement le cas en ce qui concerne les conseils municipaux de jeunes? Alors les conseils municipaux de jeunes, nous pensons qu'il y a là justement une apparition de création qui probablement serait beaucoup plus vivante, beaucoup plus efficace et moins contestée par nombre de jeunes et nombre d'adultes si des adultes ignorant ce qu'est un mouvement de jeunesse et si des hommes politiques en particulier n'avaient pas voulu s'approprier cette création nouvelle. Voilà l'expression même d'une manière, non pas de vouloir limiter, mais de vouloir créer une compétition entre les mouvements de jeunesse qui a en partie stérilisé une idée qui pouvait être au grand bénéfice des jeunes de notre pays. N'y a-t-il pas un problème d'information sur ce qu'est la jeunesse aujourd'hui? Les Français continuent à considérer les associations de jeunesse comme une espèce de phénomène folklorique. Sans importance, on conteste leur représentativité, on conteste leur nombre, leur adaptation, mais personne n'a vraiment pris conscience de l'extrême importance de ce problème pour l'avenir de la nation française. Et il est certain qu'une des solutions au problème de la jeunesse en France, c'est certainement la prise de conscience par l'ensemble de la population française de l'importance du phénomène jeunesse, des crédits qu'il faut y consacrer et du respect qu'il faut avoir pour les militants, je ne dis pas seulement des mouvements de jeunesse, mais pour les militants jeunes et pour le travail qu'ils font. Le mot jeunesse se présente dans l'esprit des gens la plupart du temps comme le loisir, la distraction, l'évasion. Alors que justement, ce qu'il y a, et ce qu'on ne reconnaît pas, et ce que les pouvoirs publics ne réussissent pas à faire comprendre à l'opinion publique, c'est que les mouvements de jeunesse expriment exactement le contraire. C'est-à-dire un engagement, une volonté d'agir sur le destin du pays, et d'y agir d'une manière positive. Ajoutons d'ailleurs que, à ma connaissance, aucune association de jeunesse française à l'actuelle ne souhaite disposer de la majorité de la jeunesse ou devenir le grand mouvement majoritaire français. Nous sommes tous parfaitement conscients de l'absolue nécessité d'une représentativité de la jeunesse et d'une possibilité pour les jeunes de s'organiser véritablement à leur niveau. La véritable raison pour laquelle les mouvements de jeunesse ne touchent pas plus de jeunes qu'ils n'en touchent, à notre avis, c'est un problème économique et social, c'est un problème d'organisation de la société. Le premier point intéressant à noter, c'est que les jeunes ne disposent pas de loisirs. On ne veut pas parler du loisir comme un moyen d'évasion, mais de temps disponible. Il est certain qu'à l'heure actuelle, un étudiant dispose de moins en moins de temps pour faire autre chose que de poursuivre cette scandaleuse course aux brevets et aux examens. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, généralement, ils ont des horaires assez durs, qui sont compliqués par des problèmes de moyens de transport, qui sont d'ailleurs compliqués dès qu'ils ont 18 ou 19 ans par des problèmes d'insertion dans la vie professionnelle, d'insertion dans la vie familiale, de nécessité de se trouver un logement, de s'installer dans la vie. Et en fin de compte, nous nous trouvons en face d'un problème extrêmement difficile qui consiste à faire que nos militants disposent du temps suffisant pour participer à leur travail dans les mouvements de jeunesse. En ce qui concerne la conférence qui vient d'avoir lieu ce soir, enfin le colloque, quels sont, à votre avis, les points les plus importants qui ont été évoqués ? Ce n'est pas un hasard si le groupe de travail le plus important de la commission armée jeunesse s'appelle Armée dans la nation, n'est-ce pas ? Les représentants des jeunes très réticents au point de départ ont été reconnaissants à ce que ce corps qui était probablement le plus contesté par nombre d'entre eux, ce corps ait bien voulu dialoguer avec eux et les écouter. Ce qui n'est pas de preuve qu'on est toujours d'accord, mais tout de même il y a ce dialogue. Et que peut-être c'est que d'autres ministères, d'autres structures administratives ont peut-être moins senti le poids des événements, ont peut-être été moins traumatisés par l'actualité, et que donc elles vivent encore sur leur lancée, et je ne voudrais pas être prophète, mais on peut craindre un jour des réveils pénibles. Enfin, on voit la crise du monde étudiant, prenons un exemple, la crise du monde étudiant, on peut se demander, est-ce que cette crise n'aurait pas été grandement atténuée s'il y avait eu, depuis longtemps, au ministère de l'Éducation nationale, une commission armée jeunesse. Car il faut savoir que le ministère, qui n'a jamais eu à aucun moment aucun dialogue régulier, normal, avec l'ensemble des jeunes, un petit peu avec l'association, mais avec l'ensemble des jeunes, c'est le ministère qui a vocation de s'occuper de la jeunesse. C'est tout de même un paradoxe. Est-ce qu'il n'y aurait pas, petite explication, à savoir que le tempérament militaire est plus porté vers l'action que vers la paperasse ? Il est porté vers le commandement aussi. Alors le dialogue n'est pas du commandement. Mais imaginez le rôle, imaginez la tête que font un certain nombre de militaires ou de fonctionnaires qui, après par exemple avoir circulé en Afrique, en Indochine et partout ailleurs pendant 25 ans, se retrouvent et ils reçoivent un ordre du ministre ou un ordre du commandement leur disant « Vous allez vous asseoir à une table ronde avec des garçons dont la majorité n'a pas fait son service militaire. » Vous voyez la tête des gens. Et pourtant, ceci s'est passé. Mais au départ, les officiers qui arrivent pour la première fois à la commission à la jeunesse, pour eux, c'est une stupéfaction. C'est une stupéfaction de voir remise en cause toutes sortes de choses qui font leur vie, qui sont leur foi, qui sont leur espoir de vivre. Et ils voient des garçons qui ne sont absolument pas de leur avis et qu'ils disent très, très honnêtement. Par conséquent, il y a une stupéfaction profonde de la part des officiers. Viennent-ils avec des réactions hostiles de part et d'autre ou simplement plutôt une stupéfaction? Ils en viennent avec un complexe d'infériorité de part et d'autre. Un complexe d'infériorité des jeunes vis-à-vis de l'administration. En disant, à quelle sauce est-ce que je vais être mangé? Et je ne vais jamais être à la hauteur pour parler à tel colonel ou à tel officier ou à tel général. Je vais me faire bouffer. Donc voilà ce que disent les jeunes. Par ailleurs, du côté des militaires, il existe un même complexe d'infériorité. En disant, je n'ai pas l'habitude de parler à ces garçons-là, ou tout au moins, les gens que je vois d'habitude, les jeunes que je vois, n'ont absolument pas cette attitude-là. Ils se tiennent bien. Mais à la commission armée jeunesse, c'est très différent, puisqu'il est surtout demandé aux jeunes de, non pas de contester thématiquement ce qui est idiot, mais d'essayer de dire ce qu'ils souhaiteraient, ce qu'ils penseraient bien. Ce qu'on leur demande, c'est de se mettre à la place d'un responsable militaire et d'imaginer une solution. Pour ça, on leur donne les bases de cette solution, on leur donne les éléments leur permettant de juger, et ils se jettent à l'eau et ils disent beaucoup de bêtises, bien entendu. Justement, à la lumière de cette coopération qui a été, il semble, assez réussie avec l'armée, quels sont les résultats les plus positifs qui ont pu être obtenus, d'une façon générale, avec les pouvoirs publics ? Ben je citerai la promotion sociale, si vous voulez. Enfin, si vous voulez. La promotion sociale est maintenant une grosse affaire, mais elle a été lancée avec l'aide Deux mouvements essentiellement, c'est CFDT et les foyers Léo Lagrange. Et un certain nombre de résultats ont été obtenus. Par exemple, dans un régiment de Rambouillet, le tiers des jeunes gens travaillaient réellement pour eux. Sur une base aérienne, également environ le quart ou le tiers des jeunes gens travaillaient pour eux. Et à ce moment-là, en 1962, le ministre des Armées a décidé, vu ces toutes petites expériences qui ont été faites avec l'aide des mouvements de jeunesse, le ministre des Armées a décidé d'officialiser ce qui avait été tenté à une toute petite échelle, et on a nommé 1500 officiers conseils dans toutes les armées, l'armée, la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air. Actuellement, en gros, il y a 35 000 élèves à peu près, il y a 5 à 6 000 succès tous les ans. Tout ceci n'est pas absolument satisfaisant, mais ce qui est intéressant, c'est que toute cette réglementation a été faite, a été rédigée par un garçon de CFDT, par un autre de Léo Lagrange. Et je crois que parmi toutes les armées du monde, l'armée française est probablement la seule qui ait un règlement militaire qui a été rédigé par des jeunes qui sont en plus des syndicalistes. Je crois qu'il ne faudrait pas laisser croire à nos auditeurs que la commission armée jeunesse est le seul lieu de dialogue entre les pouvoirs publics et les mouvements de jeunesse. Il y en a beaucoup d'autres. Et une des difficultés actuelles des mouvements de jeunesse, c'est justement qu'ils sont trop sollicités par de multiples occasions extrêmement intéressantes et utiles pour eux de dialogue avec les pouvoirs publics. Citons le Haut Comité de la Jeunesse, par exemple. Mais il faut aussi dire que les mouvements de jeunesse ont été invités à fournir des experts dans toutes les commissions du plan, soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Mais il me semble qu'il est intéressant que notre conversation est tournée grâce à la présence du colonel Baudouin sur le problème de la commission armée jeunesse, parce qu'il nous semble qu'il y a là un exemple caractéristique du fait que là où véritablement les gens qui ont voulu dialoguer avec les mouvements de jeunesse jusqu'au bout, avec patience et avec sérieux, là où ça a été fait, il y a eu des résultats. Si on essaie de résumer, on pourrait souhaiter que du côté des pouvoirs publics, au moins certains ministères multiplient les possibilités de dialogue et les multiplient avec l'ouverture d'esprit dont d'autres ont fait preuve, n'est-ce pas ? Sans réticence, sans méfiance. On peut souhaiter aussi, et ça je crois qu'il faut le signaler d'une manière très importante, c'est que les mouvements de jeunesse et les pouvoirs publics prennent conscience qu'il y a tout de même quelque chose d'anormal en France dans la coopération entre pouvoirs publics et mouvements de jeunesse, c'est que ça se passe essentiellement, pas exclusivement, mais essentiellement à l'échelon national. Nous connaissons des organismes de coopération et de coordination entre les pouvoirs publics et les mouvements de jeunesse à l'échelon départemental, dans quelques départements. Nous connaissons des organismes municipaux, locaux, des offices de la jeunesse. Mais c'est tout de même un phénomène limité par rapport au national. Et au fond, ce qui nous manque souvent d'ailleurs à l'échelon national, c'est le manque d'informations détaillées et précises du plan local et le fait que le plan local ne suive pas. Merci messieurs, merci Pierre Debranche. Votre conversation constitue, je crois, une utile contribution à l'élaboration d'un meilleur dialogue, d'une coopération plus efficace entre organismes de jeunesse et pouvoirs publics. C'était le magazine des éducateurs et des enseignants, le dialogue avec la jeunesse par Henri Poumerol, première diffusion sur France Culture le 2 mars 1967. Enfin, pour mieux cerner cette jeunesse de 1967, voici un extrait du Monde contemporain du 18 novembre, présenté par Francis Crémieux et Jean Debert, séquence consacrée aux jeunes et à la politique. Jeunes à une époque où, rappelons-le, on ne votait pas avant l'âge de 21 ans. Quatrième et dernière séquence de cette émission du Monde contemporain, qui a un numéro de téléphone bagatelle 3109, c'est la séquence, comment la titrer ? On pourrait appeler ça, messieurs les jeunes qui êtes autour de nous, comment vous arrive la politique, à vous personnellement. La vie publique. La vie publique. À vous et aux jeunes que vous connaissez. Qui avons-nous autour de nous ? Nous avons vraiment des jeunes. On ne fait pas de querelle de génération. Nous avons M. Fischer, qui a quel âge ? 26 ans. Qui est agrégé, je crois. Non. Pas agrégé. Dieu m'en garde. Pourquoi ? Je suis étudiant. Simplement. Il est étudiant. Il a 26 ans. Il est secrétaire de l'Union... Non, je suis ancien secrétaire général de l'Union des Jeunes pour le Progrès et j'ai fondé avec Michel Cazenave un cercle qui s'appelle Gaullisme et Prospective. Donc je mets les cartes sur table. Bah, il faut toujours. Et ouais. Qui d'ailleurs ne cherche pas à recruter seulement parmi les jeunes, loin de là, puisque il a une moyenne d'âge d'environ 35 ans. Oh là là, bah alors je... pas de la bonne maman. Je suis en train de passer de côté. Paul, non, honneur aux dames. Mademoiselle Vigreux, qui est journaliste et qui appartient à l'Union des jeunesses communistes. À l'Union des jeunes filles de France. Des jeunes filles de France. Une des organisations du mouvement de la jeunesse communiste. Parlez tous un peu plus fort. Oui. Et Monsieur Augaud, lui, qui a quel âge ? 24 ans. Et qui, lui, alors appartient à une organisation communiste. À une organisation du mouvement de la jeunesse communiste, l'Union des jeunesses communistes de France. Alors, je précise tout de suite, n'est-ce pas, que notre propos ici n'est pas de confronter des idéologies ou des prises de position, mais de voir dans des directions diverses, différentes, comment le problème de l'entrée dans la vie publique, de l'engagement dans la vie publique se pose pour cette génération qui a dépassé le, qui n'a pas été concerné par l'occupation, qui est, n'a pas connu la guerre d'Indochine et qui finalement a dépassé aussi la guerre d'Algérie. Et c'est à ce titre que leur position nous intéresse parce que ils se trouvent dans une situation tout à fait différente où l'engagement est moins passionnel et prend une forme nécessairement plus doctrinale ou plus technique. Et puis aussi, pour terminer l'introduction, nous n'oublions pas que je crois dans quelques années, enfin dans une dizaine d'années, plus de la moitié de la population française aura moins de 32 ans. Il y aura une majorité, hommes et femmes, jeunes. Alors, première question. Comment ressentez-vous la vie publique dans votre milieu et à votre âge? Qu'est-ce qui détermine votre engagement et quelle est la nature de votre engagement? Est-ce que c'est un engagement actif ou doctrinal et qu'est-ce qui vous pousse? Mademoiselle Vigreux, puisque vous êtes la dame dans cette histoire, on peut vous poser la question en premier. Ben allons-y, moi j'ai pris un engagement politique puisque je fais partie d'une organisation du mouvement de la jeunesse communiste. J'ai pris un engagement politique parce que j'ai eu envie, à un moment donné de ma vie, de changer les conditions de la vie. Changer les conditions de ma vie personnelle, d'abord, c'est-à-dire non seulement avoir une meilleure existence, disons, du point de vue strictement matériel, du point de vue logement, du point de vue salaire, mais avoir plus de chances de me réaliser moi-même, avoir plus de chances... par exemple, de faire l'essai de mes capacités dans le domaine professionnel, avoir plus de chances de prendre mes responsabilités dans le domaine social et politique. Mais ça peut se faire sur le plan personnel et pas forcément par l'engagement politique, ça. Et je suis arrivée enfin à la conclusion, après examen enfin de toutes ces questions qui se posaient à moi, que je ne pouvais pas, dans la société qui était la société... que nous vivons actuellement, prendre mes responsabilités, je ne pouvais pas parvenir à me réaliser pleinement. Et qu'il fallait pour cela changer la société. Et j'ai adopté donc une attitude révolutionnaire. J'ai examiné enfin les programmes des différents partis politiques et j'ai trouvé dans le programme du Parti communiste des choses nouvelles, des choses hardies qui correspondaient aux choses que j'attendais. Et c'est enfin pour cette raison que moi, personnellement, je suis venue à la politique et venue à l'engagement. Et lui, M. Fischer ? Écoutez, je pense qu'on peut dire deux choses. Nous vivons dans une société de consommation et dans un monde en pleine incertitude et en pleine mutation. Vivre dans une société de consommation, ce n'est pas parfaitement satisfaisant pour un jeune, même s'il y a un slogan qui pourrait être, si je peux employer cette expression, « consomme et tais-toi ». Vivre dans un monde en pleine incertitude... Cela exige, si l'on a un idéal, que l'on cherche à acquérir une certaine efficacité, à avoir prise sur les choses, et par conséquent, cela conduit directement à l'engagement politique. Cela d'autant plus que, dans un monde d'incertitude, la dimension des problèmes est réellement politique en tout domaine. Alors vous êtes engagé politiquement pour réaliser des certitudes. Absolument, oui. Parce que... certitude, je laisserai peut-être pas passer le mot certitude, parce que précisément... il est imprudent. C'est pas par prudence, je crois que c'est simplement par... Il est imprudent, le mot de certitude. Oui, le mot de certitude est imprudent, c'est cela. Et le troisième, dans le troisième larron, Monsieur Augaud. Oui, je pense que quand on découvre toute une série de choses, une série de vérités autour de vous, qui vous touchent, vous, qui touchent des jeunes qui sont aussi semblables que vous, qui éprouvent les mêmes difficultés... Je crois qu'à partir de ce moment, il n'est plus possible de rester en dehors de la vie publique, de la vie politique, et par conséquent, d'avoir une action en conséquence de ce que l'on ressent, et le faire partager aussi par les autres jeunes qui éprouvent les mêmes choses, les mêmes sensations, les mêmes difficultés. Je crois que... Ils ont tous des chromosomes de militants, ces trois jeunes. Oui, bien sûr. Seulement, tout de même, la question n'est pas seulement la question de l'ambition, du désir, du sentiment profond. Il y a aussi une question de fait. Il n'y a pas tellement d'années, nous l'avons observé autour de nous, une très grande partie de la jeunesse était ce qu'on appelait dépolitisée. Enfin, elle s'est trouvée, elle est tout plus exactement, elle était, dans une certaine mesure, étrangère à la vie politique, soit qu'elle s'en désintéresse, soit qu'elle se fût sentie non concernée par des engagements politiques auxquels, finalement, elle ne participait pas. On disait que la jeunesse était dépolitisée. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 20 ans. Je sais pas. Oui. Et qu'est-ce qu'ils... Voilà, c'est la question qu'on va leur poser. Comment est la jeunesse? Est-ce que c'est vrai qu'elle est dépolitisée? Il y a la position personnelle, savoir si elle représente une position générale ou si elle représente une attitude en flèche à l'égard de ça. Alors, est-ce que vous croyez que la jeunesse est très engagée dans sa masse? Oui, je pense, mais engagée d'une manière très différente de l'époque précédente. Parce que dire que la jeunesse est dépolitisée, finalement, ce sont les adultes qui disent cela. Cela signifie qu'ils sont dépolitisés par rapport à une certaine attitude politique qui était la leur dans la génération précédente. En fait, si on pose à un jeune la question « T'intéresses-tu à la politique ?», il répond quasiment toujours non. Mais si on lui pose la question « T'intéresses-tu au problème de la faim dans le monde? T'intéresses-tu au problème de l'aménagement du territoire? Au problème de l'éducation nationale? » Il répond à coup sûr et chaque fois oui. C'est-à-dire qu'il donne au problème leur dimension politique, mais il ne cherche pas pour autant à s'intégrer dans un appareil politique. C'est une attitude politique tout à fait différente. Ça, c'est l'opinion de Fischer. Oui. Bon. Et les vôtres, Mademoiselle Vigreux, vous pensez la même chose? Non, je pense qu'effectivement, je suis d'accord sur la première partie de l'intervention d'Hervé Fischer, quand il dit que la jeunesse, lorsqu'on lui demande d'une façon concrète « T'intéresses-tu à telle ou telle question ?», elle répond oui, parce qu'en fait, la jeunesse s'intéresse à son avenir, et les questions qu'on lui pose concernent son avenir. Elle s'intéresse également aux problèmes, disons, vous avez dit, de la faim dans le monde. Effectivement, elle s'intéresse aux problèmes de la guerre du Vietnam, effectivement. Parce qu'elle s'intéresse au problème de son avenir, de l'avenir du pays, et donc aux questions de la paix et aux questions économiques et sociales, puisque la jeunesse en dépend essentiellement. Je crois que la jeunesse a des positions... Alors, je ne suis plus d'accord, ensuite, lorsqu'il dit que la jeunesse s'intéresse à la politique d'une façon générale, mais non pas en fonction, et non, en ne s'intégrant pas dans, dans un organisme, dans un appareil politique. Je pense qu'il y a là des faits de ces derniers mois, de ces dernières années. Il y a le fait, par exemple, des grandes grèves, des grèves du mois de juin, par exemple, contre les ordonnances. Oui, mais ça, c'est pas la même chose. C'est pas un appareil politique. C'était une question. Il y avait une réaction collective plus qu'un appareil, ça. Pour la question des syndicats. Non, ce n'est pas une adhésion à un parti politique. Je crois que la position d'Hervé Fischer, c'est que c'est l'appareil des partis, d'une façon générale, qui rebute un certain nombre de jeunes et que leur engagement politique aurait tendance à ne pas être fixé, à être de moins en moins fixé dans des appareils de parti, c'est ça. Mais dans les appareils de parti, dans les partis, tout au moins, il y a le Parti communiste, par exemple. Le Parti communiste qui a une audience, de plus en plus importante parmi la jeunesse. On a vu aux dernières élections législatives, le Parti communiste a gagné 1 million de voix. Et sur ce 1 million de voix, tous les observateurs ont été d'accord pour dire qu'il y avait une grande proportion de jeunes. Le Parti communiste, dans ces derniers temps, a fait 40 000 adhésions nouvelles. Et sur ces 40 000 adhésions, il y a une grande majorité de jeunes. Le mouvement de la jeunesse communiste, lui, va finir l'année avec 10 000 adhérents de plus que l'année dernière. C'est donc, je ne veux pas dire que la jeunesse dans son ensemble se porte comme un seul homme du côté du Parti communiste, mais il y a une audience renforcée du Parti communiste parmi la jeunesse. C'est-à-dire qu'il ne redoute pas autant l'appareil qu'Hervé Fischer semble le penser. Il y a Hugo qui a demandé la parole, mais est-ce que vous avez les mêmes. Vous ressentez les mêmes choses, vous, dans vos organisations? Je pense que dans nos organisations, c'est différent. Je pense que le cas du Parti communiste est très intéressant et je ne contesterai absolument pas qu'il y ait une certaine faveur du Parti communiste parmi les jeunes. Simplement, j'ai souvenir d'un certain nombre de crises récentes au sein de la jeunesse communiste qui tendraient à prouver que ces jeunes exigeaient une certaine liberté d'initiative vis-à-vis du parti adulte. Oui, c'est ça qui tourmente Fischer, c'est la liberté. Lui, il est... Au fond, quand il dit pas d'appareil, c'est son problème auquel oui. il pense. Oui. Bon, je crois que Puisque les jeunes vivent avec les adultes, ils ne vivent pas en vase clos. Et réciproquement. Parce que les jeunes vivent soit dans les usines avec aussi des adultes, avec d'autres jeunes, vivent dans les universités ou dans les lycées. Parce que les jeunes vivent dans un pays et ils sont au courant de ce qui se passe dans le monde. Ils ne vivent pas en vase clos et par conséquent, leurs réactions ne sont pas en dehors des préoccupations politiques intérieures et extérieures. Donc, alors bien sûr, la jeunesse se manifeste d'une façon parfois différente des adultes du fait de l'âge et du fait des conceptions et du fait qu'ils découvrent toute une série de choses. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Nicole, en ce sens que de même que les jeunes prennent position, oui ou non, pour un parti politique, la même chose pour les adultes. C'est en fonction de ce qui est proposé par ces partis politiques. Tout à l'heure, Fischer a parlé de crise dans la jeunesse communiste. Je ne crois pas qu'il y ait de crise de la jeunesse communiste. Je crois que nous le vérifierons, par exemple, le 26 novembre, où la jeunesse communiste organise... Il fait de la propagande. La jeunesse communiste organise une grande manifestation, la jeunesse avec le Vietnam. Moi, je crois aussi, que nous verrons s'il y a à la fois une crise. Moi, j'irai aussi à cette manifestation. Voilà, c'est ça que je voulais demander. Je ne suis pas inscrit à la jeunesse communiste. Ah, quelle grande leçon d'élargissement. Non, mais je crois que quand Fischer parle de crise de la jeunesse communiste, ce qui n'est pas à l'ordre du jour, c'est la vérité. Il y a, disons, des discussions au sein de la jeunesse communiste, ou pas communiste d'ailleurs. Hein, oui, ça, mais d'ailleurs, ce n'est pas ça le problème. C'est pas le problème. Parce que la crise à l'intérieur d'un mouvement ne met pas en cause ce mouvement même. Donc, c'est une question. Ma question n'était pas critique, mais comme nous étions partis sur l'engagement de la jeunesse, quand je parlais de dépolitisation de certaines générations, ça n'était pas du tout parce que je considérais que c'était une attitude normale. C'est au contraire parce que je considérais que c'était une attitude anormale. Et je disais hier à Francis Crémieux, au fond, dans l'histoire, que ce soit pendant la Révolution, que ce soit sous l'Empire, que ce soit en 1914, que ce soit pendant la Résistance, il semble au contraire que la jeunesse se soit engagée à fond de train. Et ce qui pouvait surprendre, c'était au contraire qu'il y ait pu y avoir une période où elle n'était pas, où elle était moins disposée à s'engager dans l'action publique, dans la vie publique, et dans la vie politique. Alors, s'il y a un renouveau d'intérêt pour la vie politique chez les jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie, qui n'ont donc pas eu cette attitude passionnelle à engager, parce que le Vietnam, c'est tout de même pas nous qui en sommes coupables. À ce moment-là, c'est un problème qui se situe sur un autre plan. Je crois que c'est tout de même très important. Mais alors, Fischer nous disait, il essayait de définir cette jeunesse. Vous me disiez, il n'y a pas d'extrémisme. Oui, c'est exact. Mais avant, je voudrais revenir à une opinion de Jean de Berre qui me paraît intéressante. Dans la mesure où on a vu la jeunesse, au moment de la dernière guerre, s'engager dans la résistance parce qu'elle trouvait là une aventure. Et je vais donc rejoindre la question que vous me posez aussi maintenant. Moi, aventure, enfin, objection. Une aventure, oui. Bon, un idéal et une action qui pouvait l'enthousiasmer. C'était différent depuis, dans la mesure où une société de consommation ne donnait pas satisfaction à une nouvelle génération. Il faut quand même prendre conscience de l'enthousiasme qui porte les nouvelles générations. D'autant plus que cet enthousiasme se renforce par un effet de choc, étant donné la poussée démographique. Ils se retrouvent entre eux. Et je pense, par conséquent, que cette attitude des jeunes à laquelle je vais venir maintenant peut se définir par une certaine réaction vis-à-vis de la médiocrité d'une société de consommation et en fonction d'une internationalisation des problèmes. C'est là aussi que je rejoins le problème de l'incertitude qui se pose pour le monde entier. Est-ce que vous croyez que la jeunesse s'attache plus à l'homme, à l'idole, qu'au programme? Oui. C'est un débat de fond. C'est un débat répondez-moi, de fond. Répondez-moi. Il y a quelqu'un qui a téléphoné, qui n'a pas dit son nom, mais je vous transmets la question qui a été posée, parce qu'elle rejoint un peu celle-là. On nous demande de vous demander, si je peux me permettre cette formule, ce solécisme, si vous avez une attitude différente à l'égard des hommes politiques qui sont plus jeunes qu'à l'égard des hommes politiques qui sont moins jeunes, si je peux dire. Oui. Allez, Hugo. On ne peut pas uniformiser comme ça la jeunesse. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était liée en fonction du monde dans lequel elle vit. Et dans la jeunesse, il existe aussi bien des idées jeunes comme dans des adultes, il existe des idées jeunes, nouvelles. Et comme chez des jeunes, il existe des idées vieilles. Et comme les adultes, il existe des idées vieilles. Mais je pense que la jeunesse est préoccupé par ce monde qui, dans lequel elle fait partie, et préoccupé surtout au niveau de ses préoccupations personnelles. Par exemple, la prise de position d'un jeune est déterminée par sa situation. Par exemple, le jeune du Nord ou du Pas-de-Calais, ou la jeune fille du Nord et du Pas-de-Calais qui travaille dans le textile et qui ne trouve pas de travail et qui fait partie de ces dizaines de milliers de jeunes qui sont chômeurs sans avoir travaillé, eh bien, leur prise de conscience vient à partir de leur propre situation. Est-ce que vous vous sentez une complicité du fait justement de cet état de chômage possible avec un homme comme Fischer, qui n'est pas politiquement de votre avis, mais qui est de votre groupe? De mon côté, oui. De mon côté, je me sens une solidarité. Vous sentez une complicité, une solidarité, disons. Oui, oui, oui, et absolument. Vous? Moi, je ne sens pas de complicité pour la bonne raison que tout ce que, de tout ce que les jeunes ont à maugréer et à protester du fait de leur situation, c'est pas pour accuser Hervé, je peux l'appeler comme ça. Naturellement. Mais c'est parce que les jeunes se trouvent confrontés devant une politique que Hervé défend, par exemple, et crée pour cela une organisation. C'est pour ça que je me sens pas du tout complice. Mais le mot n'est pas juste. Oui, enfin, une espèce de solidaire, je disais. Qu'on est il est jeune. Vous vous trouvez quand même devant les mêmes problèmes. Oui. Même si vous divergez sur les solutions, vous avez une même prise de conscience. On ne se trouve pas devant les mêmes problèmes, dans la mesure où la jeunesse, qui a des caractères d'ensemble, enfin, les jeunes ont un certain nombre de caractères qui leur sont communs. Mais ce n'est pas pour cette raison que les jeunes vont former une classe sociale à part. La division en classe sociale reste valable également au niveau de la jeunesse, comme elle est valable au niveau des adultes. Et je pense qu'un jeune ouvrier ne peut pas se sentir complice ou solidaire, par exemple, disons, du fils, je ne sais pas son âge, je ne sais pas s'il en a un, de M. de Vendel, par exemple, parce que fils de M. de Vendel sera plus tard le patron d'une usine qui exploitera ce jeune. Oui. Donc, les jeunes n'échappent pas à la division de la société en classe. Mais ce n'est pas incompatible. Je ne cherche pas du tout à substituer un conflit de génération à des conflits de classe. Pas le moins du monde, je pense que les deux existent. Mais je pense aussi que parmi les jeunes, il peut y avoir une solidarité, une attitude politique commune qui joue vis-à-vis de certains adultes en les mêlant eux-mêmes dans des classes sociales diverses, sur certains problèmes. Accordez-moi, puisqu'il va falloir finir, que tout de même vous, les jeunes communistes, vous ne discuterez pas avec un jeune gaulliste comme vous discutez avec un vieux gaulliste. C'est ça que je voulais dire. Je veux dire qu'il y a entre autre chose entre vous. Il y a des points d'accord entre vous qui sont biologiques, finalement. Non, je me trompe. Il y a une communauté de problèmes qui n'existe pas avec un vieux gaulliste. Un jeune gaulliste, enfin un jeune qui a des idées politiques gaullistes, mais qui est comme nous confronté aux mêmes problèmes, qui fait partie de la même classe sociale que nous, il est évident que nous discuterons avec lui, non seulement comme nous discutons avec un jeune, parce qu'il est jeune et parce que bon, on aime bien s'amuser ensemble même, pourquoi pas aller danser ensemble, etc. Et nous discuterons avec lui, mais pas sur la base qu'il est jeune, pas seulement sur la base qu'il est jeune, mais sur la base qu'il a les mêmes problèmes. Ça vous ouvre pas plus de portes, le fait qu'il soit jeune? Si, bien sûr, si. Je veux pas fermer les choses, enfin, à ce point. Mais il y a une chose typique, tout à l'heure, Hugo, je sais pas si vous connaissez Fischer et Hugo, il a dit Hervé. Ça, c'est une chose qu'on n'aurait jamais vu M. Frey dire à M. Rocher Valdec, n'est-ce pas? Il faut finir, on a dépassé le temps. Ça, c'est les formes, c'est pas le fond. Un extrait du Monde contemporain de Jean Debert et Francis Crémieux, première diffusion sur France Culture le 18 novembre 1967. Jean Debert et Francis Crémieux que nous retrouverons demain, en début d'émission, pour une séquence consacrée à la délinquance juvénile. Il sera également question du roman de Walter Lévineau, L'éclat et la blancheur, de l'essai de Jean Plumienne et Raymond Lassiera, Le complexe de gauche, et enfin du vote de la loi Neuwirth sur la contraception. De personne en Harley Davidson. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.